Bonsoir, il est 21h01, vous écoutez Radio, et c'est l'heure de vraiment autre chose. C'est l'heure de vraiment autre chose, et si vous vous appelez Noé Joussin Laric, alors c'est l'heure d'éteindre la lumière. Vraiment autre chose, numéro 162, ou pas, ou oui, ou peut-être. Mais quelle est cette musique derrière moi? Ce n'est pas le générique habituel, ce n'est pas une émission habituelle. Et non, c'est pas une émission habituelle. Ce qu'on entend derrière moi, c'est Captain Tarte aux Pommes de Jean Cohen Solal. Pourquoi ce nouveau générique? Pourquoi c'est inhabituel? Parce que nous sommes dans un hors-série. En effet, nous avons décidé à vraiment autre chose de faire une série d'émissions hors-série, justement, consacrée à la Nurse with Wound List. Et c'est donc le premier hors-série vraiment autre chose. Il y en aura probablement plus d'une vingtaine, puisque on va vous parler de 291 groupes différents dans cette série donc de hors-série d'une vingtaine d'émissions. Voilà, c'est vraiment autre chose, spécial Nurse with Wound, et c'est la première. Ouais! De quoi, Kezako? Qu'est-ce qu'il raconte, Nurse with Wound? De quoi? Ben, ah ouf, là là. On va falloir faire un petit peu de mise en contexte, mais on va commencer par du contexte réel et vivant, puisqu'il est à côté de moi. C'est mon compagnon, mon camarade d'émission, Guénolé, ici présent. Bonsoir, Guéno. Bonsoir, Manu. Bonsoir, tout le monde. Et donc, tu n'étais pas allumé. Bonsoir, Guéno. Bonsoir, Manu. Bonsoir, tout le monde. Eh ben, bonsoir à toi, et ravi que tu sois des nôtres. Alors, oui, émission spéciale, ouais, c'est grâce à notre ami Nico, qui va intervenir d'ailleurs en deuxième partie d'émission, qu'on a eu envie un peu de fouiller. Il nous avait fait découvrir un titre de Jean-Pascal Birger, si je ne m'abuse, et nous avait parlé de cette Nurse with Wound List. La Nurse with Wound List, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Que dire? C'est une liste qui était incorporée dans le premier album de Nurse with Wound. Voilà, Nurse with Wound sort son premier album en 1978, et il y a un petit livret à l'intérieur avec une liste de 236 noms, si je ne m'abuse. Ce sont les influences qu'ont amené ce groupe, ces musiciens, encore que, est-ce que ce sont des musiciens, on va en parler un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est les influences annoncées de ce groupe, 236 influences. Nurse with Wound sort un deuxième album 2 ans après pour et complète la liste pour arriver à 291 noms. Et c'est une liste de groupes. Ça va du. Il y a des choses extrêmement connues. On y retrouve Albert Marker, on y retrouve King Crimson, par exemple, Frank Zappa. Et aussi, mais des groupes complètement obscurs dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'alors. Et du coup, ça va être l'occasion pour nous, dans toute cette série d'émissions, de plonger dans toute la richesse du son. Underground, dans le vraiment autre chose, si j'ose dire, des années 70, quoi. Ces groupes bannis des médias et connus par les fans de musique surprenantes, différentes. On va entendre du rock progressif, on va entendre du krautrock, beaucoup de musique expérimentale, du free rock, du free jazz, des collages. Vraiment, cette liste, c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de consacrer une série d'émissions autour de cette liste. Cette liste est très exhaustive et elle rend vraiment bien compte de la richesse qu'il pouvait y avoir dans les années 70 musicale, voilà, au niveau des productions musicales. Souvent, on entend dire que les années 70 sont un peu un âge d'or en termes d'inventivité musicale. Bon, c'est beaucoup dire. Par contre, c'est vrai que dans les années 70, on pressait plus facilement des disques que par la suite. Et il y a eu un espèce de glissement vers la fin des années 70, je crois 78, 18, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus de mes cours d'histoire, un krach pétrolier, le prix du vinyle qui augmente, qui double, qui triple, qui quadruple. Et comme le dit très bien mon ami Émeric Leroy, c'est le moment où les directeurs artistiques des maisons de disques sont remplacés par des directeurs commerciaux. Et ça nous vaut un virage vers des musiques un peu plus formatées, à l'arrivée des années 80, qui ont fait pas mal de mal dans la production musicale, enfin en tout cas à mon goût. Et que dire de plus, voilà. Et il y a donc on va entendre vraiment des choses au cours de toutes ces émissions très très belles, très variées, très expérimentales. On sort un peu du cadre habituel de ces émissions, c'est aussi pour ça qu'on voulait en faire des hors-séries, n'est-ce pas ? On a réfléchi pour appréhender cette liste qui est ultra exhaustive. Et voilà, on a été très original, puisqu'on a vraiment fait autre chose pour l'appréhender, c'est-à-dire qu'on s'y est pris par ordre alphabétique. Alors, on ne va pas le faire dans le strict alphabet, mais en tout cas, voilà, on commence par les lettres A, puis après la lettre B, et puis voilà. Donc, voilà, là, on est pendant une, deux, trois émissions, on saura avec le A. Ouais, c'est ça, voilà. On avait le choix entre faire de l'alphabétique ou alors vraiment au hasard, au pif, et on a coupé la poire en deux et on a décidé de le faire au pied de la lettre. Voilà. On va suivre cette liste à la lettre. Aujourd'hui, on va parler de la lettre A, mais on va pas forcément suivre exactement l'ordre alphabétique de la liste, mais on va rester sur des groupes qui commencent par la lettre A. C'est un peu l'idée. Je vous remets un peu dans le contexte. Steve Stapleton, c'est le nom c'est presque le nom de Nurse with Moon, en tout cas, parce qu'il sera accompagné de musiciens qui vont varier au fur et à mesure des années. Hein. C'est un groupe qui a une très très grande discographie. Et c'est un groupe qui pose les bases en 78 avec son premier album d'une musique expérimentale, noise, indus. On peut la nommer comme ça, mais ça serait peut-être pas suffisant comme terme. Je connais pas trop ce groupe. je connais plus la liste que ce groupe. On va peut-être s'en écouter un peu, puis notre ami Nico tout à l'heure nous en parlera, je pense, un petit peu plus longuement. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'histoire en fait de cette liste. Ce gars-là, là, Stephen Stapleton, ça se passe à Londres, qui est un féru vraiment de musique à part, justement, qui ne trouve pas vraiment son compte dans les médias, dans les radios traditionnelles, et donc passe son temps chez les disquaires. Et ça tombe bien, à Londres, il y a beaucoup beaucoup de disquaires, et dès que voilà, qu'est-ce que vous avez reçu, quelque chose d'expérimental, d'à part, de différent, oh j'écoute et tout, et voilà, c'est comme ça qu'il s'est forgé sa une connaissance musicale quand même assez rare, parce que bon, on est à une époque, inutile de le dire, mais il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de choses comme ça. Et du coup, dans ces 291 noms là, de la liste, il y a des choses complètement obscures et inconnues, mais qui sont quand même parvenues à ses oreilles. Et on va s'écouter déjà un titre de Nurse with Wound pour commencer, Two Mock Projections, donc tiré du premier album de Nurse with Wound, et après on en reparle un petit peu plus longuement avant d'attaquer la liste à proprement parler. Donc c'est parti, donc Nurse with Wound. Thank you. C'est Nurse with Wound, donc à l'instant dans Radio Radio, Two Mock Projections, donc tiré du tout premier album de Nurse with Wound, Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella, excusez-moi pour mon accent en anglais, les chances de rencontre sur une table de dissection entre une machine à coudre et un parapluie, c'est tiré d'un vers de Lautréamont. Et du reste, dans toute l'œuvre de Nurse with Wound, il y a la poésie contemporaine prend une très grande place. On est sur un groupe qui se revendique du mouvement Dada ou du mouvement Fluxus, des artistes qui déconstruisent un petit peu l'art, la recherche de beauté. Enfin, on est un peu sur autre chose. C'est des musiciens d'ailleurs qui, du reste, s'autoproclament non musiciens, qui disent qu'ils ne savaient pas jouer d'instrument avant d'enregistrer ce premier album et qu'il n'y a pas besoin d'être musicien pour faire de la musique, qu'il suffit de savoir écoutez, et c'est là où c'est assez intéressant justement cette liste d'influences, c'est qu'on voit qu'ils ont écouté énormément de choses avant de créer cette œuvre. Je dis Hills, mais à vrai dire Stephen Stapleton est le seul membre qui va rester au fil de l'histoire dans Nurse with Wound. Sur cet album-là et sur ce qu'on vient d'entendre, il est accompagné de John Fothergill qui est au synthétiseur et à la guitare. Lui, Stephen Stapleton, fait aussi du synthétiseur et de la guitare, des claviers, des percussions, de la flûte et de l'orgue. Et Eman Patak fait du synthétiseur, guitare et clavier, et Nicky Rogers, l'ingénieur du son, il va aussi de ses pistes de guitare, et après c'est du collage, du montage, sont des choses assez concrètes. Et du reste, ce qu'on vient d'entendre, c'est probablement ce qui est le plus accessible dans l'œuvre de Nurse with Wound, qui deviendra de plus en plus expérimentale au fil des années. Et John Fothergill, justement, le deuxième guitariste, bah, ils se sont rencontrés avec Stephen Stapleton au hasard des recherches discographiques. Le mec, le John était dans la même démarche de chercher un peu des musiques différentes. Et donc, quand ils se sont rencontrés, ça a été un peu le flash entre les deux. Et pendant 6-7 ans, à écumer les disquaires, attends, j'ai découvert ça, on s'écoute ça ensemble, etc. Jusqu'à décider de créer leur propre groupe, Nurse with Wound, et d'adjoindre à ce premier album donc la fameuse Nurse with Wound list, donc 236 noms. J'ai lu une interview de Stephen Stapleton qui raconte qu'ils ont mis 6 mois à peu près à se mettre d'accord sur quel nom pouvait être dans la liste et ne pouvait pas être dans la liste, et d'ailleurs ils devaient pas être tout à fait d'accord puisqu'au deuxième album, hop, on rallonge 60 noms supplémentaires. Vraiment, voilà, pour mettre tous les groupes qui leur ont plu, qui leur ont influencé, tous les disques qu'ils avaient pu acquérir l'un et l'autre au hasard de leur recherche de nouveautés, de belles musiques. Ouais, s'il y avait eu vraiment autre chose à l'époque, ça les aurait peut-être aidés, on va savoir, parce qu'il ne devait pas y avoir beaucoup d'émissions de radio comme ça, sur des musiques un peu à part. Et c'est un peu ça l'histoire de la Nurse with Wound list. Bon, ils l'ont inséré à l'intérieur de cet album-là, sans spécialement marquer l'histoire. Et puis, il se trouve que, à leur grande surprise, bah, une dizaine, une douzaine, une quinzaine d'années plus tard, Stephen Stapleton raconte ça, il voit, ouais, au début des années 90, apparaître sur certains disques un petit sticker avec marqué « Fait partie de la Nurse with Wound list ». Puis il y a carrément des bacs de disquaires spéciales avec, aux États-Unis ou en Angleterre, des bacs de disquaires spéciales. Ces groupes appartiennent à la Nurse with Wound list. Il y a carrément certains, même pas mal des pépites de cette liste qui ont été rééditées parce qu'elles faisaient partie de cette liste. Ça a donné une grande célébrité en fait à des groupes obscurs qui, grâce à cette liste, ont pu toucher beaucoup plus de public. C'est devenu un peu la marotte, voilà. C'est les grands collectionneurs, il faut absolument avoir tous les disques de la Nurse with Wound list, tous les connaître. Notre ami Nico, la dernière fois, nous parlait, si je ne m'abuse, d'un musicien de Sonic Youth qui arrive à Paris dans les années 80, qui veut absolument rencontrer Jean-Jacques Birger, parce que Jean-Jacques Birger fait partie de la Nurse with Wound list. Enfin voilà, c'est une liste qui a vraiment marqué l'histoire des musiques différentes. C'est aussi pour ça qu'on voulait s'arrêter dessus, et aussi pour souligner un peu, parce qu'elle raconte vraiment très bien l'éclectisme qu'il pouvait y avoir dans les années 70, toute la recherche qu'il y a pu avoir au niveau du concret, de l'expérimental, de la noise. Et il y a tellement de beaux sons dans cette liste qu'on est très content de se donner le pari de les partager avec vous au cours de toute cette série de hors-série de vraiment autre chose. Une petite anecdote que j'ai trouvée vraiment très délicieuse dans l'interview de Stephen Stapleton, qui raconte que justement les années 90, l'avènement du CD, lui il décide de commencer à vendre un peu ces fameux vinyles qu'il s'était achetés dans les années 70 pour passer au CD, parce que c'est un format qui lui convient mieux à ce moment-là. Et lui, il pensait les vendre au prix d'achat, et en fait, ça avait tellement augmenté grâce à la liste. En fait, il raconte qu'il a pu s'acheter une maison en vendant sa discographie grâce à une liste que lui-même avait insérée. Enfin, c'est quand même assez, assez marrant comme histoire. Et effectivement, il y a beaucoup... Beaucoup des groupes obscurs des années 70 sont restés dans l'histoire grâce à cette liste. Et on va leur rendre hommage ce soir... ce soir et dans la vingtaine d'émissions qui nous restent à faire sur le sujet, en écoutant ça. Certains de ces groupes vous seront déjà familiers, parce qu'on les a déjà écoutés dans vraiment autre chose. Alors on s'appesantira peut-être pas forcément beaucoup sur des Frank Zappa ou sur des King Crimson, mais on en écoutera quand même avec plaisir. Et on s'arrêtera un peu sur des groupes qui nous ont titillé l'oreille et qu'on connaissait pas forcément avant. Et Guénolé, mon ami, je te laisse démarrer le bal, c'est toi qui inaugure. Ok, bon, bonsoir, c'est bon, les micros sont ouverts. Oui, donc comme disait Manu, il y a quand même pas mal de groupes qui ont un écho à nos oreilles et aux vôtres, et il y a notamment Amon Dul. Alors il y a Amon Dul et Amon Dul 2, et c'est vrai qu'on connaît plus le 2, enfin en tout cas pour ma part, je connaissais plus le 2, c'est un peu des papas du crotrock avec Can, Tangerine Dream et tout ça. Et là Amon Dul, donc du coup c'est un peu l'entité dont Amon Dul 2 est né. Donc ils se considéraient comme une espèce de communauté, de collectif d'anard artiste, anard très très politisé, donc dans la région de Munich. Et voilà, et donc ils revendiquaient les improvisations, la prise de psychotropes qui pouvait engendrer une musique justement un peu détachée de tout ce que la société pouvait amener. Et donc ils ont fait quatre albums, et à la suite de cela, il y a eu un peu une partition entre les musiciens, les non-musiciens, et du coup les musiciens qui sentaient plus musiciens ont créé donc le groupe Amon Dul 2. Donc voilà, c'est pour la petite histoire entre une scission, mais c'est pas vraiment une scission, parce que c'est marrant qu'ils aient gardé quand même le même nom et juste ajouté un numéro 2, quoi. C'est assez sympa. Et du coup là, c'est un morceau de l'album, leur dernier album de 69, Psychedelic Underground, qui voilà, on sent que c'est un riff, voilà, tu sens qu'ils jouent ensemble et qu'ils se laissent aller. Il y a des petites vagues comme ça, c'est un peu abrasif, comme ça, un peu rugueux, mais en même temps ça donne envie un peu de danser, un peu de s'extasier de manière collective. Enfin, voilà, ils arrivent assez bien, je crois, à retransmettre ce qu'ils énonçaient, en tout cas dans leurs propos politiques et artistiques. Et donc ce morceau s'appelle Am Garten Sandosa, donc je ne suis pas sûr de la prononciation allemande, mais voilà, on va s'écouter ça, Manu, si tu le veux bien. Alors là, à l'instant, c'était Arcane V, ou Arcane 5 d'ailleurs, je ne saurais dire, encore un des membres de cette éminente Nurse with Wound list. Puis bon, ce petit enchaînement entre Amon Dool et Arcane 5 montre bien un peu toute la richesse et l'éclectisme. Là, on passe vraiment du coq à l'âne. Arcane 5 est un groupe né en 77, formé par Jean Peylé, qui est saxophoniste, clarinettiste et flûtiste, accompagné ici par Philippe Glumblovitz à la guitare et Yuval Misenmacher à la batterie. Et Michel Saulnier les rejoint juste pour cet album à la contrebasse. Enfin, je dis juste pour cet album. L'album, c'est Marron Dingue, paru en 1978, qui restera le seul album de ce groupe, encore un groupe qui serait peut-être se serait perdu dans les limbes de l'histoire sans son apparition dans cette liste. Le titre qu'on vient d'entendre s'appelait Naphtalis Freilach, donc voilà, tiré de cet album Marron Dingue, qui nous propose, comme on a pu l'entendre, un free jazz plutôt enjoué, plutôt sautillant. Pas free forcément, très acide, hein, voilà, bon, un jazz sautillant qui va guilleré. Guilleré, qui va chercher du côté du klezmer, et qu'un petit côté prog, hein, on a juste écouté un titre, mais un petit côté un petit peu prog aussi dans cet album, un honnête groupe de jazz des années 70 françaises, dont on va écouter un titre suivant. D'ailleurs, je suis très surpris parce que le titre suivant aurait pu être le titre de ce morceau-là. Il m'a semblé entendre une petite référence à la musique classique. En tout cas, le titre suivant s'appelle « Le beau blaireau de Rachel ». Là, on a le jeu de mots. Allez, c'est parti. Donc voilà, là c'était le second morceau, donc le gros blaireau de Rachel. Vous avez su apprécier la poésie, puis la référence. Ouais, puis tout cet album est comme ça, sautillant, guiré, ça s'écoute tout seul, ça glisse tout seul, ça se retient pas forcément, mais c'est très agréable à l'écoute pour ponctuer un début de soirée entre amis. Oui, on devrait mettre ça pour rendre les ascenseurs plus plaisants. sans aucune méchanceté, vraiment aucune. Aux ascenseurs, je veux dire. Alors, du coup, là, je vais m'attaquer à un autre groupe. Donc, là, pour le coup, je ne connaissais absolument pas. Il s'appelle Archimède Bad Car, qui est un groupe suédois, qui est une grosse formation. Donc, j'ai pas le nombre en tête, mais ça doit osciller entre 8 et 12 musiciens. Qui se revendique un peu du folklore suédois, entre autres. Donc voilà, chaque musicien a un petit panel d'instruments qui font pas très prog, pour le dire, enfin pour le dire, oui, mais en même temps, il y a quand même une guitare et tout ça. Ils sont aussi influencés par le rock prog et aussi par bah, un peu les musiques du monde, enfin en tout cas le folklore qui ne viendrait pas de Suède. Et du coup, là, moi, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Africa 2. Donc Africa comme fric, comme marginal en anglais. Donc c'est pas Africa comme le continent, mais c'est comme Africa A et puis fric comme, je sais pas, marginal, je crois que c'est comme ça la traduction en anglais. Je crois. Oui, quelque chose de ce type. F-R-E-A-K pour... Oui, voilà. Et du coup, alors pourquoi j'ai choisi ce morceau? Bon, parce qu'il m'a un peu titillé l'oreille, forcément. Il m'a intrigué parce qu'il sortait un peu de ce folklore suédois. Parce que l'album est quand même assez varié. Et parce qu'il me fait penser à un album, Africa, je ne sais pas si tu connais, de Demon Fuzz. C'est un groupe britannique de rock prog, mais assez soul, assez funk. Donc, qui est quand même. Voilà, qui. Je pense que Stephen Stapleton. L'aurait jamais mis sur la liste, pour faire simple. Et qui a donc cet album s'appelle Africa, donc avec la même écriture dont on parlait, avec un point d'exclamation. Et du coup, je me suis dit, est-ce que peut-être ce groupe suédois, là, Archimède Badkar, a fait un clin d'œil? Parce que voilà, un point d'interrogation, et puis la lettre 2, ben, je sais pas, ça fait, en romain, ça fait, voilà, ça fait comme si c'était leur version de. Africa, quoi, de Demon Fuzz qu'ils ont voulu déconstruire, mais qu'ils ont déconstruit, mais de manière assez sauvage. Et donc ça commence, c'est un morceau donc de 10 minutes. Les 5 premières minutes, voilà, c'est un petit peu bruitiste, avec. Ça commence tout doucement, faut vraiment entendre l'oreille, des petites percussions par-ci par-là, on sait pas trop où ça nous mène. Et au bout de ces 5 premières minutes, voilà. Introductrice, ben voilà, là il y a un petit riff qui s'installe et une petite voilà une petite danse en tout cas qui arrive ou auquel on peut plus se raccrocher quand on est moins porté sur ce genre de musique en tout cas brutiste et qui demande une attention toute spéciale quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau parce que c'est un album où il y a pas mal de morceaux. Et ils font aussi des petits morceaux de 2-3 minutes qui vont dans plus vers l'Europe de l'Est, où là tu as l'impression que c'est une petite fanfare qui te donne un thème, je sais pas, d'Europe de l'Est ou de Grèce, qui sont assez plaisantes, mais qui sortent vraiment du lot de ce qu'on va écouter là. Et donc cette chanson, Africa 2, de Archimède Badkar. Voilà, du coup, on s'est écouté un second morceau de Archimède Badkar, donc ce groupe suédois. Et oui, parce qu'on en parlait pendant qu'on écoutait ce morceau, que ça va être ultra infernal d'essayer d'être représentatif d'un groupe qu'on connaît pas, ou voilà, avec un seul morceau et sans parler beaucoup. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va essayer de vite fait mettre un second morceau qui fait un peu le pendant totalement inverse de l'album dont je parlais. Album qui s'appelle 2. Donc peut-être que Africa 2, ça vient de là, en fait, tout simplement. Mais donc voilà, c'était le 9e morceau de l'album. J'ai pas le nom en tête. Voilà, c'était pour montrer un peu le panel, essayer d'être représentatif, mais de manière très, très circonscrite. On sera tous d'accord avec ça. Mais bon, ça va être un peu le jeu. Et puis aussi, on prendra un peu des petits biais, des biais coup de cœur, des biais jeu de mots, des biais... je sais pas. Ben voilà, donc... Voilà, c'est un coup d'essai, et puis voilà. Bah, tu l'as dit, de toute façon, on a beaucoup de groupes qu'on a envie de vous présenter. On va pas pouvoir vous les présenter de façon très exhaustive, surtout que la plupart de ces groupes, dans leur discographie, ont eu une période, puis une autre période, ça glissait dans un sens, dans un autre sens. Nous, on s'arrête sur certains moments de l'histoire de ces groupes. Après, rien ne vous empêche, au contraire, on vous y encourage, et je crois que cette liste a été faite aussi pour ça, d'aller un peu creuser dans la discographie, si les sons que vous entendez ce soir vous titille, n'hésitez pas, soyez curieux, c'est fait pour ça. Il est bientôt 22h sur Radio, vous écoutez vraiment autre chose, vous nous écoutez sur 106.8, vous nous écoutez en podcast peut-être sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose ou via le biais du blog de Vraiment Autre Chose, en tapant Vraiment Autre Chose haut et fort. Vous pouvez écouter nos 161 émission précédente. La toute dernière était consacrée, on avait le plaisir avec Inès de recevoir, par téléphone le duo Poulinjard à l'occasion de leur dernier album Désir ou Vide, paru chez les copains de Gigantonium. Cette émission était un beau moment de partage, d'écoute, parce qu'on a fait un peu toute leur discographie. Je sais pas si tu as pu l'écouter, Guéno, cette émission, mais elle était très belle. On a fait leur discographie dans un premier temps, on s'est un peu arrêté sur cet album-là, qui d'ailleurs est livré avec un jeu vidéo qui est très très drôle. Je t'en dis pas plus, écoute donc l'émission en question. Et après, par la suite, on a parlé un peu de leurs influences et des nôtres. On a fait un peu notre Poulinjard liste. Et c'était, ma foi, une émission très chouette que vous pouvez écouter, donc comme nos 160 émissions précédentes, sur les podcasts de Radio, sur Mixcloud ou en rediff ici même le jeudi soir à 21h. Si vous êtes habitué justement de Vraiment Autre Chose, le groupe dont je vais parler maintenant ne vous surprendra pas plus que ça. Enfin, ce sera pas une découverte, parce qu'on s'est déjà arrêté avec l'ami Stéphane sur ce groupe là on a été en Grande-Bretagne, on a été en Allemagne, on a été en France, on a été en Suède. Là, on va aller en Italie, du côté de d'Area. Voilà, groupe fondé en 1972 autour du chanteur Demetrio Stratos, du claviériste Patrizio Farizelli, du guitariste Paolo Tofani. À noter que ces trois musiciens ont la particularité d'apparaître sur la liste, donc en tant qu'Area, mais aussi en tant que musicien. Donc on reparlera de ces trois musiciens plus tard. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur eux, à commencer par Demetrio Stratos, qui est un chanteur hyper impressionnant, vraiment, qui a des capacités vocales hors du commun. Donc on entend très rarement dans ces musiques-là, qu'on va plutôt entendre du côté de la musique contemporaine ou expérimentale, qui a d'ailleurs pas mal travaillé avec John Cage. Et là, on reviendra là-dessus quand on sera à la lettre S, ou peut-être à la lettre C. Mais en tout cas, vraiment un chanteur, vous allez vous en rendre compte si vous connaissez pas le timbre de Demetrio Stratos, c'est assez impressionnant, et capable de faire de la polyphonie vocale à lui tout seul. C'est, Ça, c'est surprenant. D'aucuns disent que sa voix peut atteindre les 5000, les 7000 Hertz, c'est-à-dire un son aigu que je ne vais pas pouvoir te faire, puisque moi, je n'arrive pas à l'atteindre. Mais quand même assez impressionnant, ouais. Des capacités vocales de fou. Et au service d'un propos, ma foi, assez réjouissant, puisque comme pas mal de groupes, d'ailleurs, c'est assez notable, pas mal de groupes de prog italiens des années 70, on a affaire à un groupe très, très engagé, très, très à gauche. Il y a un live où ils reprennent l'international, super version d'ailleurs, c'est pas ça que j'ai choisi ce soir, mais ça vaut le coup d'être écouté. Ouais, on a vraiment affaire à des gauchistes purs et durs. Alors si on rajoute à ça en plus le fait qu'ils ont toujours été du côté de la Palestine, ils en ont beaucoup parlé dans les années 70, c'était pas si fréquent que ça, on peut parler des prémices de l'islamo-gauchisme à l'italienne, vraiment. Mais vraiment, ouais, Area, pour ça, est un groupe à suivre, dont le propos est très intéressant. Et quant au propos musical, il est délicieux. T'as raison, Guéno, c'est dur comme exercice de résumer en un morceau l'univers d'un groupe. C'est même une gageure. Donc, c'est pas ce que je vais tenter de faire ce soir, mais je vous invite vraiment à vous pencher sur la discographie d'Area. Elle est vraiment délicieuse. Les 4 premiers albums studio sont des merveilles. Il y a un live aussi qui est vraiment, vraiment fabuleux. Puis d'ailleurs, même la suite mérite carrément l'écoute. J'ai pas cité tous les musiciens, je me suis arrêté sur ceux qui étaient dans la liste, mais sur cet album-là. Ils sont accompagnés donc de Victor Busnello au saxo, un belge, et de Yann-Patrick Givas, un français, qui tient la basse, et c'est Julie Capiozzo qui tient la batterie. Voilà, pour être précis. L'album s'appelle Herbert Marth Frey, on pourrait dire que c'est une citation d'un poème allemand, j'ai oublié de qui, mais c'est aussi et surtout connu comme étant l'inscription qui était au-dessus du camp de travail d'Auschwitz. Le travail rend libre, voilà un propos que les nazis ont pas mal mis en avant, notamment pour les camps de travail, mais pas que. Du reste, hélas, le fait que le travail rende libre, c'est un propos qu'on entend toujours de nos jours. D'ailleurs, certaines périodes de confinement, il n'y a que le travail qui permet de ne pas être enfermé, d'avoir le droit de sortir de chez soi. C'est dire si, hélas, le fait que le travail rend libre, c'est toujours un propos, ma foi, d'actualité. Du reste, Area cite cette phrase absolument pas pour s'en faire le porte-parole, au contraire, pour la dénoncer. Le titre éponyme, Herbert Marth Frey, est très, très clair au niveau des paroles. Vas-y, consomme, travaille, sors, sois sage et tu verras, le travail rend libre. Voilà. En gros, donc ce qui dénonce pas mal, ce qui d'ailleurs pas forcément le cas de tous les communistes à l'époque, hein, parce que tu es quand même plutôt à défendre à la valeur travail une bonne partie. Donc là, on a vraiment affaire à la frange gauche du communisme, on pourrait presque parler d'anarchisme. Et bah, que dire de plus, cet album est une merveille. Voilà, on parlait de coup de cœur. Je ne vais pas m'y arrêter trop longtemps, mais c'est vraiment une merveille. Je vous invite vraiment à creuser, à aller écouter cet album qui est un véritable bijou. Là, on va s'en écouter juste un titre. C'est le titre qui ouvre l'album. Donc, Herbert Marth Frey, Il lavoro rende liberi, en italien. Le titre, c'est L'oglio agosto settembre, entre parenthèses, Nero. Allez, c'est parti, Area, et ensuite on va aller du côté de la Belgique, pas musicalement, mais téléphoniquement. Allez, c'est parti, Area, L'oglio agosto settembre. Habibi, بالسلام, بالسلام حطيت ورود الحب قدامك. بالسلام, بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب, سيب الألم, سيب السلاح, سيب السلاح وتعالى, تعالى نعيش, تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب, سيبوا الألم, سيبوا السلاح وتعالوا نعيش, تعالوا نعيش في سلام. مصرية. Yeah. se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Luglio Agosto Settembre, tiré de l'album Arbet Mart Fry, le premier album d'Area, une petite merveille que je vous recommande particulièrement. Et maintenant, partons téléphoniquement du côté de l'Outre-Quiverin, rejoindre notre ami Nico. Est-ce que tu es là, Nico ? Je suis là, bonsoir la France, bonsoir Guénolé, bonsoir Manu. Salut Nico. Comment tu vas ? Eh ben, écoute, plutôt bien. On a eu quelques petits pépins au début, mais là, je crois qu'on est bien lancé, bien content, et on baigne dans plein de sons différents, et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Après les pépins, on attaque le noyau dur. C'est chouette d'entendre que vous êtes intéressé dans la liste Nurse with Wound. C'est super, parce qu'elle est aussi très variée, elle est très, très intéressante. Mais il y a une chose que vous n'avez pas encore en parlé, et je pense que c'est aussi assez important de pointer vers ça, que Stephen Stapleton, c'est un musicien, mais à l'autre côté, c'est aussi un graphiste. Et ce n'est pas indiqué au départ, parce que son tout premier album, il y a quand même une pochette très, très intéressante. Et grâce à cette pochette-là, que le premier album est directement vendu comme des petits pains. Donc ça vite parti dans tous les magasins. Parce que c'est une couverture qui présente le dessin d'une femme en costume BDSM, en cuir, seins nus, avec un masque sur la tête et un fouet à la main. Et un gros dessin qui semble représenter des hommes dans un camp de concentration ou en prison. Donc, je pense que c'est un peu l'effet de choquer les gens et que mettre aussi les gens un peu curieux, parce que finalement, la musique, c'était pas la musique que je pense que tout le monde va le jouer chaque jour dans sa cuisine ou à sa table ou je ne sais pas où. Mais donc c'était quand même bien osé. Bah, donc, c'est toute une partie dont on n'a pas parlé, d'autant plus que, si je ne m'abuse, il a un pseudo, enfin il signe ses graphismes sous un autre nom. Voilà. Oui, donc Bob Satimi, c'est son nom comme artiste. Maintenant il utilise les deux, mais donc comme graphiste à l'époque il s'appelle Bob Santini et son nom comme musicien c'était Stephen Stapleton, tout à fait. Ouais, et puis le côté un peu sadomaso qu'on peut voir sur cette affiche, c'est vrai que sur cette pochette, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout. C'est un truc qu'on retrouve un peu des fois dans cet album-là, et même par la suite de leur discographie, des petites références au sexe, comme je dis, des trucs un peu choquants, si j'ose dire, un peu de provoque. Et aussi parce que justement à cause de ce pochette qu'il a créé, il y a des magasins en Londres qui ont commandé directement 40-50 exemplaires parce que le pochette est super attirant et ils n'ont pas du tout écouté la musique. C'est un truc très marrant parce que grâce à ça, ils ont eu l'occasion de créer un deuxième album et à partir de ce moment-là, il était lancé. Donc ça, c'était assez intéressant de savoir. Ouais, carrément. Eh ben merci pour oui effectivement pour cette précision fort intéressante. Et tu voulais t'arrêter sur quel groupe toi de cette liste? Ou peut-être que tu as quelque chose à rajouter. D'ailleurs on a fait une présentation assez concise de cette histoire là. Toi comment t'es déjà toi, parce que c'est toi qui nous a parlé en premier de cette liste, justement pour nous parler de Jean-Jacques Birger, comment ça t'est venu toi cette liste? C'était, je pense, c'est mi des années 90, il y a dans un magazine qui s'appelle en Angleterre The Wire, qu'ils ont fait une édition autour de Nursery Tunes, et ça s'appelle The Guide to Nursery Tunes, je pense. Je ne sais plus le titre exact. Et là, ils ont parlé aussi de la liste de Nursery Tunes. Parce que à cette époque-là, l'Internet n'existe pas encore. Donc, j'ai eu cet album-là, mais j'ai pas eu le papier à l'intérieur avec ce liste-là, parce que c'était une réédition que j'ai, et donc dans la réédition, il n'y a pas ce liste-là. Et donc, j'étais pas conscient de cette liste-là, mais grâce à ce magazine de Wire, j'ai dit, ah, chouette. Mais c'est juste dans qu'ils en parlaient, et je ne me souviens pas tous les noms qui étaient indiqués, et c'est maintenant, je pense, 10-15 ans, puis je suis conscient que la liste est très longue avec tous les noms dedans et je constate qu'il y a pas mal des groupes que je connaissais déjà sans connaître la liste, mais il y a encore beaucoup de noms que je connais pas du tout. Et ben ça fait d'autant plus plaisir que tu nous rejoignes dans cette aventure, ce grand défrichage d'essayer de connaître un peu tous les noms de cette liste. Et toi, tu voulais t'arrêter sur qui ce soir? Ce soir, je vais balader vers le Chili. Il y a un monsieur qui s'appelle Alvaro Pena Roja. Je pense que je ne sais pas si c'est bien prononcé ou pas. C'est un pianiste, chanteur et compositeur qui était né à Valparaiso, à Chili, en 1943. Il est connu comme le Chilien au nez chantant. Il a sorti plusieurs singles avec divers groupes de rock chiliens au début des années 70, comme The Challengers et The Boomerangs, avant de se rendre à Londres en 74, donc en 74, en raison de l'exil du régime Pinochet, où il a rencontré Juice Strummer de Clash, et il a formé le groupe The 100s. On peut dire que la musique d'Alvaro, parce qu'après il a commencé à Londres de jouer sur son propre nom, et disons que la musique d'Alvaro s'agit de mélange dévoué de la musique naïve, expérimentale, classique et pop tendue, ou comme Alvaro lui-même l'appelle, la musique transitoire. En un mot, c'est un peu comme si le Bonzo Dog Band, Wildman Fisher et Charlemagne Palestine étaient enfermés dans un studio. Et depuis maintenant, il a sorti, je pense, plus que 50 albums sur son propre nom. Et actuellement, je pense qu'il habite en Allemagne. D'accord, il est encore en exercice, si j'ose dire, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a encore sorti en 2017 ou 2018 un album, donc il est encore actif. Je ne sais pas si actuellement encore, mais encore très récemment, il a encore sorti des choses, tout à fait. Ok, bah, écoute, donc, on va s'écouter ça alors. Tout à fait, donc on va écouter le tout premier album de lui sur son nom Alvaro. Et l'album s'appelle Drinking My Own Sperm, et c'est aussi le titre du morceau. Et en français, ça veut dire « boire mon propre sperme ». Eh ben, c'est parti. Drink my own sperm. Drinking My Own Sperm, donc le titre éponyme donc, du premier album d'Alvaro, enfin en tout cas premier album paru sous son nom, si j'ai bien compris, cher Nico. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est impressionnant d'entendre ça de quelqu'un qui vient de Chili, qui fait ce type de musique. Donc ça veut dire que quand même, ce musique qu'on peut retrouver sur la liste de Northwest Wound est quand même créé partout dans le monde entier. Tu vois? Et aussi l'entrée de Northwest Wound lui-même, c'était incroyable. C'était un musicien qui voyageait dans toute l'Europe, parce que lui était vraiment intéressé dans la musique, comme tu as dit au départ, que Steve Stapleton était souvent dans les bacs à disques de chercher. C'était pas uniquement à Londres, mais il voyageait aussi dans toute l'Europe parce qu'il voulait aussi rencontrer des musiciens. Par exemple, il était pour rencontrer Faust, Cam, tous des gens comme ça. Et il se présentait justement pour être un peu le roadie pour eux. Donc il disait, OK, ça m'intéresse leur musique et donc je vais y aller vers eux. Et donc il a trouvé le numéro de téléphone de chacun sur les disques, parce qu'à l'époque, c'était encore beaucoup, on trouvait les numéros de téléphone des artistes sur l'album. Et donc, il a souvent utilisé ce numéro-là pour fixer un rendez-vous, pour passer chez les musiciens. Ça, c'est une chose qu'on peut plus imaginer maintenant, que quelqu'un met son numéro de téléphone sur un album. Ouais, c'est clair. Ouais, puis c'est tout fan de musique qui va fouiller chez les disquaires et puis tomber sur cette espèce d'ovni qui vient de Chili. Enfin, d'imaginer ça dans les années 70, enfin, c'est fou. Maintenant, c'est presque banal d'entendre un groupe qui vient de l'autre côté de la Terre et qui fait des musiques étranges. Mais vraiment, dans les années 70, être tombé là-dessus, waouh. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est aussi avec le morceau suivant qu'on va écouter. Là, c'est un duo qui vient d'Allemagne. J'aurais une question toute bête sur Alvaro, parce que vraiment, j'ai vachement apprécié ce morceau. Tout l'album est de cette couleur-là ? Oh, c'est très divers. Quand même, oui, ça reste un peu dans le même univers, mais quand même, ouais, cet album-là, j'ai encore le deuxième album de lui aussi. Et ça reste un peu dans le même sens, parce que beaucoup des autres albums, c'est dans tous des univers différents. Ok, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est un peu une gageure de présenter un groupe ou un artiste avec un morceau seulement. Ouais, carrément. Ouais. Ben, merci pour ta réponse. Donc, ici, pour cette liste-là, ça, c'est l'avantage. C'est une liste qui était constituée en 78-79. Donc l'avantage, c'est de prendre les morceaux qui viennent encore de cette période ou juste avant, pas après. Comme ça, on comprend mieux dans quel sens que c'est une influence pour Northwest Wound. Mais effectivement, beaucoup des groupes vont dans toutes les directions différentes. Beaucoup des albums qui sont différents pour beaucoup des groupes qui sont sur sa liste. Donc effectivement, c'est toujours une aventure de faire ça. Et donc, j'ai choisi un deuxième morceau d'un duo qui vient de l'Allemagne. C'est un duo avant-gardiste composé par Paul et Limpo Fuchs, qui ont travaillé à la périphérie du krautrock et du free jazz. Tous leurs albums sont très expérimentaux et beaucoup entre eux présentent leurs propres instruments, comme le Fuchshorn, la Fuchs-Citre ou la Fuchs-Basse, aux côtés des instruments ordinaires et de la voix, parce que Paul Fuchs, c'est quelqu'un qui construit, c'était, comment on dit, quelqu'un qui travaillait le métal, et donc c'est lui qui a créé beaucoup d'instruments pour Limp, parce que Limp a eu l'idée de créer de nouveaux instruments, et donc c'est son mari qui a chaque fois créé cet instrument-là. Et chaque fois, c'est un instrument qui est basé sur un instrument existant, mais avec des adaptations. Et c'est pour ça qu'ils utilisent chaque fois le nom Fuchs Horn, parce que leur nom, c'est Fuchs. Donc, voilà. Et donc, il y a aussi Paul Fuchs. Il est plutôt un créateur autour de travailler au métal. Mais il était aussi intéressé de faire de la musique. Et lui, il aimait aussi beaucoup le psychologue suisse, le C.G. Jung, et sa théorie de l'anima animus. Et comme il considérait l'impe comme son anima, il a choisi ce nom. L'impe elle-même, elle préférait plutôt le mystic power. Mais comme on sait que c'est souvent le mot de femme qui est primordial, c'est ici quand même Paul qui a choisi le nom de titre de la formation. Et ensuite, ils ont créé des autres variations de ce formation. C'est aussi Anima Musica et Anima Sound. C'est toujours le duo accompagné avec des autres musiciens. Non, j'ai choisi un morceau qui vient de l'album qui a aussi le titre Anima. Et là, c'est le seul album où il y a quatre musiciens, donc c'est Limpe et Paul, qui sont accompagnés avec Friedrich Gulda et Johann Anton Rettenbacher. L'album est sorti en 72 et c'est aussi, comme on constate souvent avec Anima, c'est pas toujours, mais avec beaucoup d'albums, il y a des morceaux qui durent très long, entre 15, 20, 30 minutes. Et ici, c'est un morceau qui dure, je pense, une vingtaine de minutes. Et le morceau s'appelle « Meeting in the Studio ». Parfait. Eh ben, on va s'écouter ça de suite. Non, sans avant te saluer et te remercier pour cette participation à cette aventure. On te retrouve dès jeudi prochain pour la deuxième hors-série spéciale Nurse with Wound de Vraiment Autre Chose. À bientôt, camarade. Merci. Salut Nico. Salut, merci, un très grand merci et merci pour cette belle initiative de faire ce 25 épisodes environ de Nurse with Wound. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Allez, c'est Ciao. Parti. Donc, Anima, Meeting in the Studio. Yeah.

Est-ce que le silence après ce titre d'anima, c'est encore du anima? Ah non, ça devient du mystique, là. Ouais, carrément. Merci Nico, du coup, pour cette petite découverte. Donc, vous écoutez toujours vraiment autre chose hors série, au pied de la lettre, ça s'appelle. C'est l'épisode 1, au pied de la lettre, tentative d'exploration de la Nurse with One List. Et on va faire toute une série d'émissions comme ça pour aller... Bah, pour creuser, pour faire un peu l'archéologie, la spéléologie, le traçage de toute cette liste qui est, ma foi, un super biais pour apprécier la diversité et la créativité qu'il pouvait y avoir dans les années 70 dans la musique underground. Et voilà, je crois. Voilà. Donc à l'instant, c'était Anima, donc le duo Paul et Limp Fox, si je dis pas de bêtises, donc construisaient leur propre instrument, nous a expliqué Nico. Monsieur était aussi métallurgiste, donc ils ont adapté les instruments existants, mais avec en les arrangeant un peu à la sauce Fuchs. Du coup, les instruments d'ailleurs s'appellent Fuchs quelque chose. Enfin, Nico vous a très bien expliqué ça tout à l'heure. Si vous l'avez manqué, bah, pas de problème, ruez-vous sur les podcasts de Vraiment Autre Chose pour réécouter cette émission. On continue donc à creuser cette lettre A de la Nurse with One List. Et là, on passe à Agitation Free. Voilà, donc en tant qu'apprenti archéologue, on va rester en Allemagne parce que c'est vrai que bon c'est peut-être la lettre qui veut ça, mais c'est vrai que dans cette lettre A, il y a pas mal de groupes allemands, mais je pense aussi que c'est peut-être l'époque et l'effervescence qui veut ça. Et je pense aussi que cette liste est assez centré en Europe, en tout cas. Et du coup, là, c'est le premier nom de la liste. Donc, voilà. Agitation Free. Donc, un groupe de rock prog qui est considéré... Alors, moi, je vous avouerai que je ne connaissais pas trop ce terme, en fait. Peut-être, Manu, toi, tu connaissais, mais de space rock. Je savais pas trop. Donc, qui est une espèce de rock progressif, de crowd rock avec plein de... avec un imaginaire de science-fiction qui va se traduire dans la musique par l'utilisation d'orgues ou de synthétiseurs. Voilà, donc c'est peut-être en rapport peut-être avec la cinématographie, je sais pas. Mais en tout cas... Oh, la cosmologie, ça va au-delà... La poésie aussi. Ça va au-delà du crowd rock, le space rock, là, pour le coup. Oui, oui, bien sûr. On en trouve aussi en Angleterre, en France... Il y a certains noms, je pense à Cyril Verdeau, à Claire Light, par exemple, qu'on abordera quand on lancera la lettre C dans 8 mois, là, parce que si on fait les 4 groupes par émission, je pense que ça va être très long. Mais tant mieux, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous faire des retours via les réseaux sociaux ou via le blog de Vraiment Autre Chose. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais pas de soucis, je t'ai interpellé. Donc... Et du coup, donc c'est leur premier album là, qui s'appelle Malèche, donc qui est paru en 1972, petit clin d'œil à Nico, donc en 1972. C'est vrai qu'en regardant la pochette, c'est une pochette qui est où on voit un peu un espèce de désert, un peu rocailleux, un peu jaune, un peu brun, enfin tout brun, et puis bleu aussi, donc et puis avec 3-4 personnes comme ça qui posent au milieu. Donc voilà, on pourrait penser plutôt à du desert rock, mais non, en fait ce n'est pas du desert rock, c'est du space rock, parce que ils sont dans un futur, donc ça peut penser un peu à Dune peut-être, je sais pas, ça c'est moi qui me projette sur cette pochette. Et du coup voilà, c'est un album aussi qui est traduit du coup en langue arabe, donc Malèche. Donc j'ai pas pris le temps d'avoir cherché la traduction de ce mot, veuillez m'en excuser. Et c'est vrai que cet album, en fait, j'ai appris ça cette semaine, a été commandité par l'Institut Goethe. Je sais pas si vous voyez les Instituts Goethe, c'est un peu l'Alliance française version allemande, ou les instituts... chinois aussi, ils ont également ça, enfin bref. Ils ont commandité ça à ce groupe qui était en tournée dans le Moyen-Orient, enfin, qui était au Liban, en Égypte, en Grèce, enfin, dans tout le bassin méditerranéen. Et voilà, ils ont composé pendant cette tournée-là. Et donc voilà, il y a comme un petit univers oriental derrière avec, avec des, enfin, des clins d'œil. Ce n'est pas des clins d'œil, c'est des, enfin, des clins d'œil avec, avec les deux yeux en tout cas. Donc c'est ça qui m'a botté notamment. Un nom aussi à Agitation Free qui, voilà, qui fait penser aussi à voilà, la période comme des années 60-70. On sent une petite revendication derrière, en sous-titre, quoi. Et là, j'ai choisi ce morceau qui s'appelle... je crois que j'ai choisi le morceau éponyme, Malèche, qui est le numéro 7. Et qui dure... voilà, une... qui dure plusieurs minutes. Qui dure 8 minutes. Alors, merci l'Internet. Malèche, ça signifie pas grave, pas de problème. Ok. Ok, ben bah voilà, bah pas grave. Donc, ne m'en voulez pas pour avoir galéré à parler. Mais du coup, dans ce morceau-là, moi, je connaissais ce groupe, mais pas via cet album. Et il y a notamment une chanson qui s'appelle Layla, qui est. Voilà, qui me faisait penser vraiment à un crotrock plus classique. Et là, c'est un morceau où on ne va pas trop entendre les influences orientales, mais qui donne une chouette énergie, et qui a de belles... voilà, qui fait vraiment plaisir à entendre et que je voudrais vous partager avec vous, chers auditeurs et auditrices, à bientôt 11h. voilà, ce petit souffle du désert. Donc, vous avez pu le constater, il y avait quand même les influences clairement orientales. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Mais voilà, donc un morceau qui, je veux dire, qui est dans son ensemble est assez un peu cohérent. J'avais choisi un autre morceau, le troisième, si je me trompe pas, ça s'appelle À la Tulle, où la première partie est portée science-fiction avec des orgues, puis à la fin, ça finit en petite percussion tribale qui sort franchement de je ne sais où. Du coup, voilà, moi, c'est un premier album que je vous conseille, moi, j'ai bien aimé. Et pareil, ils en ont fait beaucoup d'autres. C'est, voilà, c'est un groupe assez connu, on va dire, de cette liste, et on ne s'y appesantira pas trop. Et je vais laisser la main lourde de monsieur Manu. Ouais, et ben on va passer à un groupe assez méconnu. On retourne en Grande-Bretagne, tiens. On boucle la boucle et on retourne en Grande-Bretagne avec Arzachel. Alors, Arzachel, on est en 1967 à Londres, quand se forme un groupe qui s'appelle Uriel. On y retrouve Steve Hillage à la guitare, Dave Stewart au clavier, pas le Dave Stewart qui s'est rendu célèbre avec Eurythmics, mais un autre Dave Stewart encore plus célèbre pour les gens qui écoutent vraiment autre chose, parce que c'est une des grande pointure, ce claviériste de ce qu'on a appelé l'école de Canterbury, enfin du moins le jazz rock à la Canterbury, une espèce de jazz rock matinée de pop, avec jazz pour le côté, pour une grande place laissée à l'improvisation et à la dextérité des musiciens. Pop, c'est plutôt au niveau des thèmes, on va dire. Bon, les groupes les plus connus de ce mouvement-là, Soft Machine notamment, toute l'œuvre de Robert Wyatt, qui ne figure pas dans cette liste. Tiens, Robert Wyatt, je me rends compte, comme quoi c'était peut-être ça les sujets à débat entre les deux créateurs de cette liste. Toujours est-il que Arzachel, donc ce groupe-là, voit le jour donc en 67 à Londres. On y retrouve donc Steve Hillage à la guitare, Dave Stewart au clavier, je l'ai déjà dit, Clive Brooks est à la batterie et Mont Campbell est à la basse. On est en 67 et les quatre acolytes tentent de jouer du rock psyché, blues rock, des reprises un peu des canons de l'époque, des groupes de Jimi Hendrix par exemple, ou The Nice, ou Cream. Ils enregistrent une petite démo de titre et puis ils vont se faire une petite résidence d'été à l'île de Wight pour jouer dans un hôtel, mais ils se font virer de l'hôtel à cause de leur look de hippie leur cheveux longs. Bon, quatre musiciens, trois qui veulent vraiment continuer un peu cette branche et se professionnaliser. Et un quatrième, le guitariste Steve Hillage, qui décide de quitter le groupe parce qu'il veut reprendre ses études, justement, à l'école du Kent, dans le Canterbury. Où, par la suite, il fera quelques rencontres. Steve Hillage, on le retrouvera plus tard dans des groupes comme Cannes et surtout dans Gong. Bref, je m'y perds, mais toujours est-il que Steve Hillage quitte le groupe, et donc, hop, il reste un trio qui continue à jouer, qui rentre à Londres, qui joue beaucoup, et qui, petit à petit, oriente sa musique vers un espèce de prog matinée de musique classique, en gros, pour citer. Fini le psyché, donc petit virage chez Uriel, qui finit par rencontrer un label plutôt renommé, Decca Records, qui leur propose d'enregistrer un album, par contre pas sous le nom d'Uriel, parce que Uriel, ça sonne comme urine, c'est un peu moche, et donc de là, le trio change de nom et s'appelle Egg. Et là, pour le coup, Egg, pour ceux qui suivent vraiment autre chose, on a fait une émission spéciale sur l'album Polite Force de Egg, qui est une véritable merveille, mais vraiment, que je recommande. Effectivement, on est dans du prog, effectivement, il y a une touche classique, plutôt contemporaine même, qui y est apportée, et tout en gardant un côté jazz, ça joue terrible, voilà, Egg, c'est fabuleux. Mais là, pour l'instant, on parle d'Uriel, donc qui vient de changer de nom, qui s'appelle Egg, et qui va enregistrer un album chez Decca Records. Tout va bien pour eux. Et là, ils vont boire des coups dans un pub à Soho. On croirait une anecdote inventée, mais non, c'est vrai. Ils vont boire des coups dans un pub à Soho, les trois gars, et ils tombent sur un gars qui dit « Ouais, moi j'ai mon petit studio, j'enregistre des groupes. Ouais, c'est sympa ce que vous faites, mais là, hein, vraiment, j'ai plutôt envie d'enregistrer du psyché, voilà, du psyché, du blues rock. Plutôt ce genre de son-là. » Donc les mecs qui sont là, « Mais attends, mais on a un groupe de psyché. En fait, à la base, on faisait du psyché, si tu veux, on enregistre un album de cette couleur-là avec toi, avec plaisir. » Et du coup, ils se mettent d'accord et ils invitent Steve Village à revenir justement. On va pouvoir enregistrer un peu le son qu'on avait en quatuor. Et du coup, c'est parti donc, pour cet enregistrement. Et, donc, ils changent de nom. Pas question que Decca Records se rende compte de que le groupe va signer sous, voilà, va faire un autre album sous un autre label, parce que là, ça serait très mal passé. Du coup, ils changent de nom, et donc Arzachel, c'est le nom qu'ils choisissent, c'est le nom d'un des cratères identifiés de la Lune, Arzachel. Et donc, c'est parti, le quatuor qui se retrouve pour enregistrer l'album de Arzachel, voilà. Cela dit, il ne faut vraiment pas se faire repérer par Decca Records. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent tous de nom. Steve Village devient Simon Sapapella, Mont Campbell devient Jeroki Kategaka. Quant à Clive Brooks et Dave Stewart, ils vont pousser le vice jusqu'à choisir le nom de prof qui les ont vraiment saoulés, le prof de maths pour l'un et prof de géo pour l'autre, Basil Dowling et Sam Lee Huff. Voilà, donc c'est sous des faux noms, sous un faux nom de groupe et sous des faux noms de musiciens qu'est enregistré cet album de Arzachel. Enregistré en une après-midi avec un budget minimum, hein, le gars rencontré dans un pub à Sceaux, ça va pas non plus être la folie au niveau studio. N'empêche qu'il y a l'envie et ils enregistrent cet album, ils en vendent 14 exemplaires. Donc c'est quand même fabuleux parce qu'ils ont vendu 14 exemplaires, dont un à Steve Stapleton, sinon jamais ce nom ne serait apparu dans cette liste. Et comme pas mal de groupes de l'époque qui ont fait partie de cette liste, l'album a été réédité, puis remasterisé, réédité avec des bonus, et maintenant Arzachel, voilà, tous les fans de Canterbury connaissent l'existence de ce groupe et leur son. Voilà, encore une histoire un peu un petit peu folle de ce que ça peut donner d'apparaître dans cette liste et la postérité que cette liste a eue, vraiment sans que ce soit spécialement fait pour ça, et la notoriété que cette liste a apporté à ces groupes. Voilà, donc on va s'écouter le titre qui a introduit l'album d'Arzachel, que je ne dise pas de bêtises, le temps de le retrouver, qui s'appelle Garden of Earthly Delight. Voilà, Arzachel, pour finir cette Nursery Swan List édition 1. And would you see my lady's face? It is a flowery garden place where nuts of beauty have such grace that all is work and nowhere space. Is a sweet, delicious morn where day is breeding never born. It is a meadow yet unshorn which boughs and flowers do adorn. It is the heaven's bright reflex, weak eyes to dazzle and to vex. It is the idea of her sex whose envy does the world perplex. It is a sweet, delicious morn where day is breeding never born. It is a meadow yet unshorn which boughs and flowers do adorn. It is the outward face of youth. It is the famed Elysium's truth. The spring that wintered hearts renews and Categories strain, crack and sometimes break under their burden. Step out of the space provided. Step out of the space provided. Step out of the space provided. Step out of the space provided. Step out of the space provided. Step out of the space provided. Strain, crack and break, c'est ce qu'on entend là juste derrière. C'est notre générique de fin d'émission parce que ça touche à sa fin, cette première archéologie autour de la Nursery Zone List, ce premier au pied de la lettre. Ce qu'on entend derrière moi d'ailleurs, c'est encore Nursery Zone, la boucle se boucle d'autant plus. Strain, crack and break, c'est le nom d'un titre, du titre bonus track, si j'ose dire, de la réédition de leur fameux premier album dont on parle depuis le début de cette émission. Strain, crack and break, c'est la musique de Nursery Zone et par-dessus c'est David Tibbett de Current 93 qui liste tous les noms de la groupe, de la liste, pardon. Vous pouvez l'entendre. Voilà, on est déjà passé à lettre C, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, c'est ainsi que se termine cette 162e émission de Vraiment Autre Chose, mais qui n'est que la première édition de Au pied de la lettre, tentative d'archéologie de la Nursery Zone List. Bah, puisque du listing derrière nous, on va nous-mêmes faire un petit récap de fin d'émission de tout ce qu'on a écouté ce soir. Donc cette émission était consacrée à la Nurse with Wound List. On a donc commencé par un titre de Nurse with Wound, le premier titre de ce fameux album, donc To Mock Projection, c'était le nom du titre. Ensuite, on est parti en Allemagne avec Amandule premier du nom. Donc avec un morceau qui s'appelle, je n'ai plus le nom en tête, mais qui était chouette. Mais ouais, carrément, Im Garten Sandosa. Oui, voilà, Im Garten Sandosa. Ensuite, on s'est arrêté sur Arcane 5, ou Arcane V, le mystère reste entier. On a écouté Naphtali's Freylach, et juste après, le beau blaireau de Rachel. Ensuite, on est parti en Suède avec Archimède Badkar et leur morceau Africa 2, dont il nous reste à savoir d'où vient ce titre. Et un second morceau avec un nom à rallonge dans une autre langue que je ne saurais vous prononcer à l'antenne à cette heure si tardive. Eh bien, on va pas te demander de le faire alors. Ensuite, c'est Nico Bogert, notre ami d'Outre-Quiévrin, que vous pouvez entendre habituellement sous les ondes de Radio Panique, dans sa superbe émission Mokrel Slow, qui est intervenu pour nous remettre les points sur les i. On n'a pas parlé des graphismes de la pochette de l'album, et c'est bien dommage. Heureusement qu'il était là pour le faire, et heureusement qu'il était là pour nous présenter Alvaro, dont on a écouté Alvaro Peña, dont on a écouté le titre Drinking My Own Sperm, tiré de l'album Drinking My Own Sperm. Et ensuite, on s'est arrêté sur les époux Fuchs et leur groupe Anima. On est parti pour une vingtaine de minutes de musique expérimentale avec des instruments eux-mêmes expérimentaux et monté sur du métal. Oui, et après, nous sommes retournés en Allemagne avec Agitation Free. Et l'album Malèche et la chanson éponyme Malèche datée de 1972. Et pour finir, je vous ai raconté la genèse de la création d'Azrakel, le groupe qui a changé deux fois de nom, donc a eu trois noms, et le dernier avec des musiciens sous un faux nom. On s'est écouté Garden of Earthly Delight, donc tiré de l'album éponyme d'Azrakel, le seul album à ce jour de cette formation. Et du coup, on va se finir avec un second morceau, le morceau dont je vous parlais de Agitation Free, qui s'appelle Alan Tull, qui va vous permettre de traverser l'Odyssée qu'ils ont pu avoir au Liban, en Grèce, et tout ci, tout ça. Et on se retrouve jeudi prochain pour à la lettre... Au pied de la lettre. Au pied de la lettre, hashtag 2, tentative d'exploration de la liste. Tout à fait. D'ici là, portez-vous bien, et puis restez sur Radio, parce que À en croire l'écran devant moi, vous allez pouvoir entendre du Yes, du Radical Satan, du HTML, de Naubatan, du Barberos, de l'Ocelmar et encore d'autres merveilles. Une sacrée liste. Une très belle liste, la radio-radio-liste. Bonne fin de soirée à tous. Et donc, on se quitte avec Agitation Free, le titre à la tulle.